Toujours à la même occasion, Maung Maung Naing, directeur général de la maison d'édition Miltarmo de Myanmar, a publié le 17 un entretien. Il a indiqué que suivant le dessein du président Kim Il-sung, fondateur de la Corée socialiste, Son Excellence M. Kim Jong-il a commencé le 25 août 1960 la direction de la révolution de Sungun et continué sans cesse le long périple de Sungun jusqu'à la fin de sa vie. Et il a exalté les exploits mortels du général qui a posé la base éternelle pour la prospérité du pays et de la nation par son éminente direction.